mettez moi en l'école. Il mettait ti frère moi et puis moi. Ti frère moi qu'a apprendre passer moi. Papa moi ba moi un ti cano. Ti cano, ti cano. Ti cano, ti cano. Ti cano, ti cano. En ti cano moi parti à la nage. Quand au moins parti à la nage m'arrivait carénage. Carénage m'a trouvé en médaille. Médaille la portée par sa colline. La colline portée par Vijaya. Vijaya portée par la Béa. La Béa portée par Monseigneur. Dis Monseigneur, béni par moi. Ticano, ticano, ticano, ticano, ticano, ticano. En ticano, moi parti à la nage. Ticano, ticano, ticano, ticano, ticano. Ticano, en ticano, moi parti à la nage. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mais maman est sous qu'à coûter l'idée. Chicane Afrique dès qu'elle dévirée. Ticano, ticano, ticano, ticano, ticano, ticano. En ticano, moi parti à la nage. Ticano, ticano, ticano, ticano, ticano, ticano. En ticano, moi parti à la nage. En ticano, des ticano. En ticano, moi parti à la nage. Quand on m'a parti à la nage.